te trouver l'âme sœur qui protégera mon parcours. Sur terre j'ai trop de larmes et j'ai si peu d'amour que retrouver la flamme est comme ton aller sans retour. Tu as déjà tes ailes, je voudrais te